maintenant, maintenant. Moment attendu depuis longtemps, le temps se compte comme les pièces, on gaspille notre richesse. Et la poisse la remplace, que ça te plaise ou non. Et la poisse la remplace, que ça te plaise ou non. Et la poisse la remplace. Tout un homme sauvage manque d'agilité. Tellement durci que je connais plus la fragilité. Je passe pour un poilier, les gens veulent m'humilier. Plus de limites, on croit que j'imite la malhonnêteté. Que j'inspire la connerie, rien comme un temps ma tête. À travers on voit des menottes, des flics et des menottes. Des minutes perdues, course poursuite, mauvaise suite. Parfois pas de réussite, après la fuite. On se demande ça nécessite à quoi. À faire de plouf s'impliquer. S'planquer, éviter de voir les claques flanquer. À mon avis plein de choses j'aurais évité. Rechercher le concret, le garder en secret dans le crew. Après notre promo, sera un putain de créer un bon coup. Un putain de créer un bon coup. Relève-toi, tu bois ton maximum ta foi. Envers qui et pourquoi je fais ça. 5-5, ouvrant les portes de l'au-delà. Là où je vois loin, une longue vue pour une longue vie hip-hop. J'y compte bien, direction on verra. Rivé sur le Gold River du clandestin, destin en crew. Pour la rue et vers où. Vers l'or, accro en sous, c'est pas nouveau d'ailleurs. Du short, corps à corps, avec tout. Explosif, un atout, prêt à tout. Pour un rien, rien à foutre, à part le rôle du fou, le rôle du chien. La source ne coupera jamais ses liens. Yo hip hop, comme le trottoir et une putain trop tard. On est dans, et qui s'en plaint. La tête pleine de rimes, objectif en mettre plein la vue. Résultat, la poche pleine de mailles. Dans ce plan, y'a aucune faille. Les couilles et le travail, recette de nos médailles. De nos médailles, de nos médailles. Yo. Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant. Moment attendu depuis longtemps. Le temps se compte comme les pièces. On gaspille notre richesse. Et la poisse la remplace, que ça te plaise ou non. Et la poisse la remplace, que ça te plaise ou non. Et la poisse la remplace. Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant. Gun sur jeune, jeune dans zone. Poudre dans zen, savoir ça gêne. Surtout quand on déforme la haine. M'a fait un film de rap à drive, c'est comme riche ray. Ce qui reflète ce texte, c'est une roue qui tourne dans la rue. Je représente ce que je connais, à part ça rien à mon point. Reste marocain, pas américain, loin d'être bouffon. Ou racaille plutôt un malin. Car je peux pas me permettre, quand je constate la conclusion, je dois la mettre. En première page, tu piges la vie, c'est de l'eau et moi une éponge. J'absorbe les méfaits, preuve que la bêtise se rallonge. Le challenge, pas d'emploi à suivre, pour que les portes s'ouvrent comme nos lèvres quand on parle. Car on n'a rien sans rien, on tente, on se plante, on se plaint. Voilà pourquoi certains pètent les plombs. J'entends des cris, parfois même des pleurs quand ta fille s'est pris. 6 mois sans sursis derrière les barreaux. Il paraît qu'après tu tiens un carreau. Y'a rien de plus faux. Ce n'est pas en mettant détenus aux arrêts qu'on change ses défauts. On parle d'intégration en les traitant de crapauds. Crépus, le mensonge gobe comme une pilule. On prêche le faux pour nous tourner en ridicule. Dès qu'ils circulent dans nos villes, qui les fabrique, qui les ramène, qui se fait braquer par les flics, toujours les mêmes. Toujours les mêmes contrats, toujours les mêmes qui craignent. Derrière l'ombre de la France se cachent les délinquants politiques. Si c'est ça la République, alors oui. Le système et toute leur clique. Du Sénat à l'Assemblée, tous des frottes pour le fric. Maintenant, Ma-